nous comprenons ce que ces gens-là demandent à la machine, qui pour eux prolonge, multiplie, achève le geste de l'homme. Nous sentons une fois de plus combien ils se laissent conduire par le besoin, comme ils excellent à mêler à leur effort personnel les complications de la mécanique, et comme aussi le moindre d'entre eux a des pouvoirs d'initiative, de vision directe et d'ajustage. Une fois remontés dans notre voiture, et roulant de nouveau sur l'inégal pavage en bois, il est fait avec des tranches rondes de troncs d'arbres enfoncés à même dans la boue, nous raisonnons sur ce que nous venons de voir. Nous essayons d'en dégager la signification intellectuelle, si l'on peut se servir de ce mot à l'occasion d'une semblable entreprise. Et pourquoi pas? Nous tombons d'accord que cette entreprise a pour première caractéristique l'amplitude, l'énormité plutôt de la conception. Pour qu'en peu d'années, un établissement comme celui-ci ait porté le budget de ses employés à 5 500 000 dollars, c'est-à-dire plus de 27 millions de francs, il faut que ses fondateurs aient aperçu nettement les possibilités d'une formidable extension d'affaires, et qu'ils en aient non moins nettement déterminé, précisé, saisi les données pratiques. Une poussée colossale d'imagination d'une part, et de l'autre à son service une entente positive et calculée de la réalité ambiante. Voilà les deux traits empreints partout dans l'usine, sans analogue, que nous venons de visiter. Un de nous souligne cet autre trait, que la principale de ces données pratiques est le chemin de fer. Et il rappelle que la locomotive a toujours été, entre les mains des Américains, une espèce d'outil à tout usage. N'ont-ils pas révolutionné l'art militaire et créé de toutes pièces la guerre moderne, telle que les Allemands devaient la pratiquer à nos dépens dans la grande lutte nationale de 1860? Ils ont les premiers montré quelle partie on pouvait tirer des moyens nouveaux de locomotion. La longueur de leur train durant cette période est demeurée légendaire. L'établissement de boucherie au sujet duquel nous discutons n'est qu'un cas particulier de cet univers emploi du chemin de fer, lequel lui-même n'est qu'un cas particulier de cette tournure d'esprit essentiellement américaine, l'emploi constant du moyen nouveau. L'absence absolue de routine, l'habitude quotidienne de laisser le fait agir sur eux, de le suivre jusqu'au bout sans en avoir jamais peur, tels sont les autres traits qui se rattachent à ceux-là. Et ce sens aigu du fait explique aussi l'espèce d'incohérence extérieure que nous avons notée au premier abord dans la discussion du travail. L'extrême netteté d'ordre administratif dérive toujours d'une méthode conçue a priori. Toutes les sociétés et toutes les entreprises, où le réalisme domine plus que le système, sont construites par juxtaposition, par série de faits acceptés au fur et à mesure de leur production. Mais comment les gens d'ici auraient-ils le loisir de vaquer aux jolies finesses de cet ordre administratif dont nos peuples latins sont si amoureux? La concurrence est trop forte, trop féroce presque. Il y a de la bataille et de son audace haletante derrière toutes les entreprises de ce pays, même les mieux assises comme celle-ci. Notre guide, qui nous écoute philosopher, sans paraître trop nous désapprouver, nous raconte que cette année même, et pour échapper à une coalition de spéculateurs en grains, qu'il nous explique, le propriétaire de la maison d'où nous sortons dut construire, afin d'y déposer son propre blé, une bâtisse de 300 pieds carrés de surface, sur 100 de haut, en 19 jours. « On a travaillé le jour et la nuit, nous dit-il en riant. Mais nous autres Américains, nous aimons le hard work. » C'est sur ce mot presque intraduisible quand on ne l'a pas entendu prononcer ici que s'achève notre visite. Il la résume et la complète avec un laconisme digne de ces gens de beaucoup d'actions et de peu de phrases. Visitez en détail le bâtiment d'un des premiers journaux de Chicago, à l'heure où l'on imprime le numéro du dimanche. Un tout petit numéro de 24 pages. J'ai vu à New York, et le samedi soir aussi, se composer un numéro semblable, celui du Herald, de 40 pages et avec des gravures. Il s'agissait d'en expédier, par tous les trains du matin, 150 000 exemplaires. Lorsque la vente atteint des chiffres pareils, le journal n'est pas seulement une machine à manier l'opinion, d'une puissance incalculable dans un pays de démocratie. C'est encore une affaire à organiser, d'une inouïe complication. Précisément, parce que cette affaire se trouve différée du tout au tout de celle que j'ai essayé de comprendre avant-hier, je vérifierai mieux si les traits généraux que j'ai cru constater réapparaissent dans toute entreprise américaine. Et je le vérifierai ici plus aisément que je ne l'aurais fait à New York, le tirage des journaux étant un peu moins grand et leur mise en train plus commode à suivre. Je n'ai pas fait 500 pas à travers ces bureaux sans constater aussitôt le jeu simultané de ces deux tendances d'esprit, qui m'avaient paru si caractéristiques l'autre jour. L'ampleur énorme de la conception et l'emploi constant, minutieux, sans cesse éveillé, du moyen nouveau. Ce n'est pas tel ou tel lecteur que le journaliste américain se propose d'atteindre, c'est tous les lecteurs. Ce n'est pas tel ou tel genre d'article qu'il se propose de publier, c'est tous les genres d'articles. Son rêve serait de faire du journal un moulage total de la réalité, une sorte de carte en relief qui fût un raccourci, non pas même du jour, mais de l'heure, de la minute, si universel et si complet, que demain 100 000, 200 000, 1 million de personnes aient devant elles à leur déjeuner un tableau sommaire de toute leur ville d'abord, puis de leur état, puis de tous les états de la Confédération, puis de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Australie. Cette ambition ne lui suffit pas. Il veut que ces 100 000, ces 200 000, ce billion de lecteurs, trouvent dans leur feuille favorite de quoi répondre à toutes les questions de tout ordre, qu'ils peuvent se poser sur la politique, sur la finance, sur la religion, sur les arts, sur la littérature, sur les sports, sur la société, sur les sciences. C'est une encyclopédie quotidienne, mise au point de l'instant qui passe, qui a déjà passé. Ce projet colossal est visible partout dans cette maison, où le journal est chez lui, naturellement et de toute manière. Il faut que les ouvriers et les rédacteurs puissent manger sans sortir et à n'importe quelle heure. Ils ont leur bar à eux et leur restaurant. Il faut que l'impression des gravures, dont les Américains sont si friands, n'attende pas. Le journal a sa fonderie, une véritable usine où le plomb bouillonne dans les cuves. Il faut que jusqu'à la dernière seconde, les nouvelles soient recueillies, comme de l'eau dans le désert, sans qu'ils s'en perdent une goutte. Le journal est partout muni d'appareils télégraphiques et téléphoniques qui lui permettent de communiquer directement avec le monde entier. Lors de la dernière élection présidentielle, une réunion de partisans de M. Cleveland était ici dans une des chambres de rédaction qu'on me montre et il causait avec le candidat qui était lui-même à New York, recevant ses instructions, lui donnant des renseignements. Et quelle presse, capable d'exécuter des besognes qui eussent voulu, voici 50 ans, des équipes de combien de centaines d'hommes. 2 ouvriers suffisent aujourd'hui. J'en retrouve une que j'avais déjà vue au New York Herald et dont on m'avait dit là qu'elle imprimait 70 000 numéros en 2 heures. L'énorme machine est en plein travail quand j'arrive près d'elle. Un tel ronflement s'en échappe qu'aucun son de voix n'est plus perceptible à côté. C'est un bruit pareil à la rumeur de la cascade du Niagara. Et la colossale bande de papier qui se déroule, qui court pour entrer dans cette machine, semble en effet de l'eau qui fuit, un insaisissable métal en fusion qui tourbillonne. On voit une blancheur qui passe, qui se tord, des pièces d'acier qui jouent sur elle, innombrables, et à l'extrémité, une sorte de bouche vomit 16 pages du journal prêtes à partir. La machine a pris la feuille, l'a tournée et retournée. Elle l'a imprimée sur l'envers et sur l'endroit, puis coupée, pliée. Et voici toute une portion du numéro colossal qu'un enfant arrange avec d'autres portions sans trop se hâter. En présence de cette formidable bête imprimante, c'est le seul terme qui convienne, j'éprouve de nouveau comme à New York cette sensation d'un pouvoir qui dépasse l'individu. Cette presse est un multiplicateur de pensées dont la portée n'est plus mesurable par aucun calcul humain. Il y a un contraste singulier entre l'extrême précision de ses organes, délicats et réglés, comme ceux d'une montre, et cette étendue indéfinie de projection morale que les Américains acceptent, comme ils acceptent tous les faits. Chez eux, l'amplitude appelle l'amplitude, par une progression qu'il est facile de suivre dans le journalisme, ayant conçu l'idée d'un journal à énorme tirage. Ils ont inventé des machines pour suffire à ce tirage. Et comme ces machines leur paraissent capables de suffire à un tirage plus grand encore, leur conception de la publicité a grandi parallèlement. Aucun doute que dans moins de 20 années, ils ne trouvent le moyen d'avoir des gazettes qui se vendent à 5 000 exemplaires par jour, comme notre petit journal. Seulement, les leurs auront des 16, des 24, des 40, des 60 pages de grand format. C'est là le côté pratique de la mise en train. Il en est un autre. Un journal a beau être conçu et mené comme une affaire, c'est une affaire d'un ordre particulier. Il faut qu'il ait une direction morale, qu'il prenne parti pour ou contre telle loi, pour ou contre tel individu, qu'il revête une physionomie individuelle. Il ne peut pas la devoir, comme chez nous, cette physionomie, à la personnalité de ses rédacteurs, puisque ses articles ne sont pas signés, ni même, comme en Angleterre, au style et à la tournure de ses articles. L'éditorial, on appelle ainsi l'article de fond, occupe une trop petite place dans cette énorme quantité de papier imprimé. Et cependant, chacun des grands journaux de New York de Chicago ou de Boston est une création à part, faite à l'image de celui qui la dirige, et qui est presque toujours son propriétaire. De même, le président d'une compagnie de chemin de fer en est d'habitude le principal actionnaire. C'est encore là un trait particulier à la grande affaire américaine, et qui en explique la vitalité. Elle est le plus souvent la chose d'un homme, la volonté visible de cet homme, son énergie comme incarnée et mise au dehors. La forme que j'employais tout à l'heure en la soulignant traduit heureusement ce rapport si intime entre cet homme et son œuvre. Vous entendrez couramment dire que M. So-and-so a été longtemps identifié avec cet hôtel, telle banque, telle compagnie de chemin de fer, tel journal, et cette identification est si complète que passant en tramway devant cet hôtel, cette banque, cette gare, ce bureau de rédaction, si vous questionnez votre voisin, il vous répondra toujours par un nom propre. De là résulte dans toutes les entreprises américaines cette élasticité, cette vitalité, ce continuel en avant, et aussi cette infatigable combativité. Je constate de nouveau ce dernier caractère dans ma promenade à travers ces bureaux. Rien qu'aux questions minutieuses que me pose mon guide sur la presse française et les procédés que nous employons pour nous assurer notre supériorité de critique littéraire, il sent que c'est là le point de notre excellence et il voudrait que son journal l'atteignît. Tout vrai directeur d'une de ces grandes entreprises de publicité est ainsi à la guet d'une modification possible qui distinguera sa feuille de toutes les autres, remaniant sans cesse cette feuille, la chargeant de plus en plus de faits encore, de plus d'articles, y enroulant plus de gens, les employant mieux. Ainsi pratiquer une telle direction devient un travail d'une complexité incalculable. L'Association américaine des éditeurs, par exemple, qui comprend 150 journaux des plus importants des États-Unis, représente un capital de 200 millions de dollars. Ces journaux paient en salaire 1 million de dollars par jour. Ils dépensent par an 752 millions de dollars. 200 000 personnes y sont directement ou indirectement employées. Il arrive qu'un numéro du dimanche, comme celui que je viens de voir tirer, pèse de 250 à 300 grammes. La puissance acquise par ces dictateurs d'opinion est si exceptionnelle et si réelle, cette existence comporte tant de choses chères aux Américains, l'immense fortune et l'immense responsabilité, un énorme labeur à soutenir et la continuelle mise en évidence, que l'ambition des hommes vraiment entreprenants s'exerce sans cesse dans ce sens. Une ville n'est plus tôt fondée que les journaux pullulent. Quelquefois, elle n'est pas fondée qu'elle a déjà son journal. Il arrive aujourd'hui encore que le gouvernement abandonne à une invasion d'immigrants un grand morceau de territoire. Au signal donné, il s'y précipite, et chaque coin du sol est au premier occupant. Le soir, ou le lendemain de ce jour, dans cette plaine où les chariots et les tentes marquent un vague projet de cité, il y a toujours un cabaret, un bureau de poste, une église et un journal. Qui sait si ces chariots et ces tentes ne sont pas le commencement d'un Minneapolis, d'un Saint-Paul, d'un Chicago? Qui sait si dans 25 ans, cette ville n'aura pas 100 000, 200 000 habitants, et le journal autant de lecteurs? Jamais la petitesse du début n'effraie un Américain qui songe à une affaire. De même qu'en méditant l'avenir de cette affaire, il n'y a pas de possibilité d'extension qu'il ne conçoive. Il n'y a pas non plus de médiocrité qui le rebute. Il y a trop d'exemples de résultats gigantesques obtenus malgré des points de départ tout petits, tout humbles. Le plus vaste chemin de fer des États-Unis, le Grand Central Pacifique, a eu pour fondateur 4 hommes presque sans ressources, et dont 2 étaient de pauvres boutiquiers de San Francisco. Ils ont construit les premiers tronçons de la ligne, kilomètre par kilomètre, sans argent pour avancer, sinon morceau à morceau. La légende veut qu'ils aient, dans certains cas, posé les rails de leurs propres mains. Tandis que je soumets ces réflexions d'ordre général à mon guide, je vois dans les salles que nous traversons des hommes, presque tous jeunes, penchés sur leurs pupitres et qui écrivent avec cette attention absorbée où je retrouve le hard work, cette faculté de donner toute sa force à la besogne actuelle. D'autres reçoivent des dépêches qu'ils transmettent immédiatement sur des typewriters. Il n'y a plus rien de cette atmosphère de club qui fait le charme des bureaux de rédaction à Paris. À cette heure, là-bas, le journal est presque fini. Et même en le finissant, on cause, on fumaille, on joue aux cartes, aux dominos, aux bilboquets. Ici, dans cette hâtive usine à nouvelles, le loisir manque et le goût de ce loisir. Pour apprécier la différence entre ces deux bureaux de rédaction, il faudrait dessiner en face l'une de l'autre les deux figures du reporter parisien et du reporter américain. Le premier a pour qualité principale d'être spirituel et ingénieux. Ses articles sont signés, et il en résulte que son amour-propre littéraire est toujours un peu mêlé à ces notes qu'il tient à rédiger avec un tour de main particulier. Vous le devinez, goguenard ou mordant, caustique ou attendri. C'est un artiste, même dans cette besogne de constatation éphémère, et c'est par un pittoresque de causerie qu'il réussit le plus souvent. Il y a dans l'impressionnisme chez lui, et vous retrouverez dans son fer, quelque chose des procédés, des maîtres écrivains, de leur représente. Le reporter américain demeure anonyme, même quand il reproduit dans le journal des nouvelles qui lui ont coûté à conquérir des prodiges d'astuce et d'énergie, comme pour lui indiquer que l'on tient non pas à la qualité de ses phrases, mais à celle des faits qu'il apporte, on le paie à tant le mot. Il y a en lui de l'homme d'action, du détective, et les romans sensationnels prennent naturellement pour le héros ce personnage, dont la vertu maîtresse est la volonté. Il doit être prêt sans cesse à partir pour les pays les plus reculés, où il lui faudra faire métier d'explorateur, comme aussi à descendre dans les pires bas-fonds sociaux, où il lui faudra faire métier de policier. À cette école d'énergie, il peut, s'il a le don, devenir un écrivain de premier ordre. Richard Harding Davis, le créateur de Gallagher et de Van Bieber, en est la preuve. Un homme qui s'y connaît en style, car il a lui-même une saveur extraordinaire de langage dans ses lettres et dans ses propos, M. de Bismarck a prétendu que le reportage compris à l'américaine était la meilleure école pour un homme de lettres qui veut copier le mouvement de la vie. C'est une opinion dans le goût de celle que l'empereur exprimait à Sainte-Hélène, très partiale et pleine de méconnaissance à l'égard de la littérature pensée. Elle valait d'être citée, car il est bien vrai que ces pages improvisées, presque télégraphiques, où le fait apparaît dans sa forte netteté immédiate, ont souvent un relief que l'art n'égalerait pas. Mais c'est un relief inconscient et dont le reporter n'a guère souci. Son souci est d'être exact, et pour arriver à cette exactitude, tout procédé lui est bon. Beaucoup de gens s'en indignent, et quelquefois, ils n'ont pas tort. Je me trouvais l'été dernier de passage à Beverly, près de Boston, lors de la mort d'un des plus brillants colonels de l'armée fédérale. On devait emporter le corps à Baltimore, et l'on célébrait un service funèbre dans la petite église du village. Un jeune homme entre au milieu de la cérémonie, marche vers le cercueil, en relève doucement le drap, frappe avec son doigt sur le couvercle et dit à mi-voix « Still not wood ». C'est de l'acier et non du bois. Puis il disparaît au milieu de l'universelle stupeur. C'était un reporter. Ces cruelles hardiesses d'inquisition s'accomplissent cependant avec une certaine simplicité, presque avec ingénuité. J'ai lu beaucoup d'interviews et beaucoup de paragraphes personnels depuis que je suis en Amérique. Je pourrais compter ceux qui enfermaient quelque chose de blessant ou même quelques-unes de ces malices de plumes, si habituelles dans les moindres entrefilets des boulevards. Cette sorte d'innocence d'une presse très audacieuse dans ses investigations s'explique, je crois, par le caractère professionnel du reporter d'abord et, si je peux dire, du lecteur ensuite. Le reporter, lui, considère comme de son devoir d'apporter le plus de faits possible au lecteur. Ce lecteur considère comme de son droit d'avoir ses faits. Dans ce débordement de détails positifs, la place réservée à chaque personnalité est trop courte pour que l'insinuation malveillante y soit aisément admise. Le reporter n'a plus le temps d'aiguiser une épigramme que le détective auquel je le comparais tout à l'heure n'a le temps de faire une niche à quelqu'un qui l'interroge. Il est bien plus occupé de trouver un des en-têtes de ces headings dont une collection constituerait le plus humoristique chapitre d'un voyage aux États-Unis. Tout à l'heure, en entrant dans la chambre du journal, réservée à la nécrologie, et où toutes les biographies des vivants un peu connus sont rangées dans des tiroirs, j'ai trouvé sur la table les preuves d'un article tout préparé pour une célèbre cantatrice très malade en ce moment, avec ce heading « La voix de cristal est brisée, l'oiseau ne chantera plus. The crystal voice is broken, the bird will sing no more. » La charmante femme allait mieux. L'article va rejoindre les milliers de morceaux pareils qui attendent parmi des clichés de gravures représentant des édifices et des hommes. « Les bâtiments peuvent brûler et les hommes peuvent mourir », me dit philosophiquement mon guide, qui, me voyant amusé par la fantaisie de ses titres, me montre dans le journal qui va paraître demain le plus étonnant peut-être que j'ai vu, « Jerked to Jesus », mot à mot, lancé vers Jésus. C'est le récit d'une pendaison, celle d'un nègre, d'un gentleman coloré, condamné pour le crime usuel, comme on dit ici avec euphémisme, c'est-à-dire pour avoir violé une femme blanche. Mais il s'est repenti la veille de son exécution, et il a fini chrétiennement. Je ne suis pas sûr que le reporter, qui a résumé cette mort dans ces trois mots sensationnels, ne soit pas lui-même un croyant, et qu'il n'ait pas vu distinctement l'entrée d'une âme rachetée dans le paradis. À coup sûr, des milliers de lecteurs simples la verront, rien qu'à cette annonce. Que serait-ce s'il s'agissait non pas d'un événement aussi vulgaire, mais de l'arrivée ou du départ d'un pugiliste, ou de sa rencontre avec un autre ? C'est l'incident qui fait le plus rapidement monter un titre de journal, me dit encore mon compagnon. « Que voulez-vous » ajoute-t-il. « Nous autres anglo-saxons, nous aimons le fight. Nous l'aimons en politique, et c'est pour cela qu'il nous faut toujours voir deux leaders en face, l'un de l'autre. Nous l'aimons dans nos entreprises, et c'est pour cela que je ne serai pas content jusqu'à ce que j'ai fait de mon journal le premier des États-Unis. Nous l'aimons même quand ce n'est qu'une question de coup de poing. Et je crois que notre race perdra quelque chose le jour où on l'aura trop guéri de ce goût-là. Il faudra du temps. » Et un sourire d'ironie et d'orgueil éclaire son visage, où je retrouve, comme chez beaucoup d'hommes d'affaires de ce pays, un peu de la forte sature ramassée du dogue. Je ne suis pas éloigné de penser, comme lui, qu'il y a en effet dans les divertissements nationaux, si féroces semble-t-il, une instinctive éducation. À coup sûr, tout ce qui enseigne la fougue calculée de l'attaque et l'invincible tenue de la résistance est utile à des gens destinés à vivre dans un pays où il court partout un esprit d'initiative si exaspéré que dans 10 ans ce bâtiment de journal, ces machines, ce journal lui-même, paraîtront des choses d'autrefois, lentes, informes, arriérées. C'est ce que me répondait un New-Yorkais à qui je parlais de mon appréhension à passer sur le pont suspendu de Brooklyn. « Il n'est pas possible qu'il ne tombe pas un jour, » lui disais-je. « Well, » fit-il, « d'ici là, on en aura construit un autre, et celui-ci sera démodé. »